son figure, ouais. Cache-feu ton nom si je dois devenir ton lover. Yeah, un FL, ouais. Cache-feu ton nom si je dois devenir ton lover. On va se prendre la tête, yeah. Faut que tu sois prête, yeah. Oui, je veux t'arrêter. Je t'ai dit, donne-moi ton nom. Ton nom, les gens, je veux ça devenir. On se prend la tête, faut que tu sois prête, yeah. Oui, je veux t'arrêter. Juste pour que tu donnes ton nom, j'trouve que ça devient long. Si je me permets, j'veux faire ta connaissance, télé, il faut qu'on s'arrête. Viens prendre un verre ce soir, t'es ma complice. Chut, oublierai, je veux que tu sois ma mise. Tout partager avec toi, tout découvrir avec toi. Quelle heure si tu restes en ma fille de joie. Pas la peine de faire des bad stories. Soyons libres comme l'air d'un lit. Nous deux, on peut seulement si tu veux. Va se prendre la tête, faut que tu sois prête, yeah. Oui, je veux t'arrêter. Je t'ai pris, donne-moi ton nom. Ton nom, les gens, que ça devient long. Va se prendre la tête, faut que tu sois prête, yeah. Oui, je veux t'arrêter. Juste pour que tu donnes ton nom. Ton nom, je trouve que ça devient long. Puisqu'on va tous deux dans le même sens, faudrait qu'entre nous, hey, ça avance. Bébé, tu sois ma lady. J'insiste, je ne peux pas te lâcher. Hey, juste pour que tu me le donnes. Tu fais trop de cinéma, tu m'étonnes. Tout ce temps que je perds, enfin bon. Mais quand je te mate, girl, j'ai une bonne raison. Si je suis celui que tu désires, là je te comprends pas. Peux-tu stopper tes conneries? Lady, je te comprends pas. Flex, faut que tu sois flex, bébé. Avant qu'on se prenne la tête, faut qu'on sexe, bébé. Donne ton nom avant la fin de la soirée. Hey, pour moi c'est bon. Et mon kiff pour toi, Chalip. Juste avoir ton nom serait un premier pas. Validaire, si tu dis que tu kifferais pas. Moi je t'assure, je ferais tout pour être ton kiff, lady. La Côte d'Azur, pas besoin pour être mon kiff, lady. Cesse de jouer, tu me casses les mains avant que je me casse. Qu'ailleurs, je trouve la faille pour me caser. Je veux ton nom, y'a pas que peut-être c'est oui ou non. Mais si tu cherches la vie rose girl, je peux te la donner. Se prendre la tête, faut que tu sois prête, yeah. Oui, je veux t'arrêter. Je t'ai dit, donne-moi ton nom. Ton nom, les gens, que ça devient long. Se prendre la tête, faut que tu sois prête, yeah. Oui, je veux t'arrêter. Juste pour que tu donnes ton nom. J'trouve que ça devient long. Se prendre la tête, faut que tu sois prête, yeah. Oui, je veux t'arrêter. Je t'ai dit, donne-moi ton nom. Ton nom, les gens, que ça devient long. On se prend la tête, faut que tu sois prête, yeah. Oui, je veux que t'arrêtes. Juste pour que tu donnes ton nom. J'trouve que ça devient long. FL, ouais, car je veux ton nom si je dois venir au lavage.